Du 8 au 21 juillet 2019, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix de créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour notre émission Grand Large avec laquelle nous partirons à la rencontre des créateurs invités à cette 22e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des Grands Larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Chalaï. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeure et directrice de recherche à l'Université Sorbonne Nouvelle. Vous avez créé le laboratoire Scène francophone et écriture de l'altérité. Et vous êtes à Avignon dans le cadre des universités d'été des théâtres d'outre-mer et d'Afrique en Avignon qui se dérouleront ce dimanche au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. À vos côtés, Pénélope de Chauffour, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en études théâtrales à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Axel Arteron vous accompagne également pour cette université d'été, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en arts du spectacle de l'Institut de recherche en études théâtrales de la Sorbonne Paris III. Et avec nous également sur ce plateau, Hubert Petitfard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chorégraphe du spectacle « Au bout du souffle » que vous pouvez retrouver à midi 10 à la Chapelle du Verbe Incarné. Je vous propose d'en écouter un extrait. Hubert, est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de ce spectacle qui interroge la liberté avec cette question du seuil, de la frontière ? Oui, tout est parti d'une phrase déclamée par Louis Delgrès, à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Et on voulait interroger ce qui restait justement de cet acte et puis de ces moments justement d'affrontement qui vont très loin, qui demandent beaucoup. Donc, et surtout interroger les états de corps que ces êtres humains ont connus à ce moment et comment ça nous parle aujourd'hui. Vous vous êtes inspiré des héros sacrifiés qui ont défendu la démocratie, il me semble. En grande partie, oui. Et pour au départ, j'avais déjà fait un solo. Autour du caractère du personnage de Ignace, et qui est un militaire de l'armée française, et j'ai voulu aller plus loin en interrogeant aussi cette histoire, ce moment, et mais pas le rendre didactique, c'est-à-dire ne pas le retranscrire tel quel, mais plutôt chercher les émotions que ça m'avait procuré, rien que la découvrir, et ensuite faire des recherches, que ce soit historiques ou corporelles aussi. Et comment, justement, est advenu ce travail du corps ? Parce que je crois que vous dites que le corps ne peut pas mentir. Ça, c'est ma pensée personnelle. Non, quand je dis « il ne peut pas mentir », c'est que dans notre travail du danseur, on approfondit le geste et le mouvement vraiment de manière très chirurgicale, je dirais. Donc, on arrive à ressentir les stress ou les détentes des muscles et à lire aussi un corps qui se meut devant nous. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, ou au contraire, quand c'est bien ancré dans le sol. Les énergies de Kandinsky, Basquiat vous portent ? Oui, oui, oui. Pas seulement les énergies, mais un peu la folie qu'on y retrouve. Et le fait d'oser, voilà, d'être soi. C'est difficile de retranscrire ça sur une scène, oser. C'est difficile de répondre à cette question. C'est pas que c'est difficile, c'est... il faut savoir pourquoi on le fait. Voilà. C'est un engagement. En fait, comme la chorégraphie, le mouvement est la résultante vraiment au départ d'une pensée, d'une conception. Mais on ne part pas... Enfin, je ne pars pas du mouvement pour développer mon propos. C'est un symbole assez fort de porter un spectacle sur cette liberté, sur ce corps, dans un endroit comme celui-ci, qui est la chapelle du Verbe incarné. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour une chose, parce que déjà le nom que porte la salle dans laquelle on va danser, et puis qui est la salle d'Edouard Glissant, et fort parce que c'est un lieu de projection des arts ultramarins, et que ça fait toujours plaisir de rencontrer d'autres artistes aussi que j'ai pas l'occasion de rencontrer sinon ici. Et qu'est-ce que ces échanges justement vous apportent, notamment avec les danseurs qui présentent leur spectacle ici au Verbe incarné ? Pas simplement les danseurs, parce que justement ça permet je me nourris aussi du théâtre, de la musique, mais de toute manière je crois toujours au bienfait des échanges. Donc après, il y a des bonnes surprises, des fois, rien ne se passe. Mais généralement, c'est toujours positif. Et très nourrissant. Oui. Alors, on vous invite évidemment à découvrir ce spectacle qui se joue à 12h10 à la chapelle du Verbe incarné. Sylvie, Pénélope et Alex, je reviens vers vous. Donc, cette année, le 21 juillet sera consacré à la mémoire du corps et sa transmission en post-colonie. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le contenu de cette journée auquel des chercheurs et des artistes participeront ? Bien sûr. C'est en fait un rendez-vous qui nous paraît toujours très très important, puisqu'il s'agit justement de se retrouver entre chercheurs, mais aussi artistes, créateurs, autour de spectacles dont on a envie justement de partager l'analyse, de rentrer finalement dans la fabrique et dans la réflexion. Et c'est un temps donc qui est important aussi pour que les artistes, les chercheurs se rencontrent. Et dans ce qui nous occupe, cette université d'été, c'est une université des théâtres d'Afrique et d'Outre-mer. Donc c'est aussi faire se rencontrer des créateurs du grand large, comme vous l'appelez, de cette triangularité qui nous occupe tout particulièrement, donc Afrique, Europe et les Amériques, et aussi le Pacifique. Donc l'idée, c'est de se réunir d'abord autour de spectacles. Donc ça, c'est la matinée, en fait, du 21 donc juillet. Et puis, on reviendra peut-être sur les spectacles qu'on va évoquer. Et on va travailler également l'après-midi, plutôt donc sur des questions qui sont liées à l'histoire. Donc ces théâtres ont aussi une histoire. Et puis également, donc, une dimension qui nous paraît très, très importante, enfin, en tout cas, qu'on défend énormément dans le laboratoire, qui est la notion de marronnage, de résistance. On parlait tout à l'heure d'oser. C'est dans l'espace de la création et de l'art que l'on peut, je pense, vraiment trouver le moyen de se libérer, en tout cas, d'arriver à une émancipation. Et la question du marronnage, c'est pas seulement l'histoire du marronnage, des nègres marrons, de ce que ça représente au plan historique, et c'est important de s'en rappeler, de raconter l'histoire, de faire en sorte que cette réalité-là, on la partage avec le plus grand nombre. Malheureusement, elle ne doit pas être partagée seulement par les afrodescendants. Il faut que l'ensemble de la nation française sache ce que sont les nègres marrons. Ensuite, cette notion de marronnage, c'est une notion créatrice qui porte énormément les artistes. Et finalement, on a théorisé, on travaille beaucoup sur une théorisation, une manière d'aborder la création afro-contemporaine pour utiliser en fait des canons qui ne soient pas des canons esthétiques et des théories battu du côté de la création, je dirais, ethnocentrée, eurocentrée, mais qu'on trouve aussi des moyens d'analyser, de théoriser par des éléments de l'histoire afrodescendante. Et le marronnage donc, en fait partie tout particulièrement. Donc l'après-midi sera consacré au marronnage. On a la chance, alors là aussi, d'avoir des artistes qui seront présents, mais aussi des lectures de textes contemporains à faire connaître. Donc ça, c'est important, avec notamment un texte d'Alfred Alexandre et un texte également de Gaël Octavia. Et comment est-ce que vous avez choisi les spectacles ? Parce qu'il y en a trois, donc, qui sont à la chapelle du Verbe incarné, Cri de mes racines, Tous mes rêves partent de la gare d'Austerlitz et Nina Lisa. On a choisi en fonction donc, de cette thématique qui va nous occuper cette année, qui est la question de la mémoire du corps. Donc voilà, c'est aussi une thématique qui est assez récurrente dans ces théâtres d'Afrique et d'outre-mer. Voilà, Hubert a parlé tout à l'heure du fait que le corps ne ment pas. Et effectivement, on réfléchit beaucoup à la manière dont le théâtre contemporain laisse parler le corps aussi et les traumas qui peuvent l'habiter, la manière dont ça résonne jusqu'au patrimoine génétique qui est le nôtre aussi, et comment est-ce que par les écritures scéniques on peut atteindre cette libération qu'évoquait Sylvie, qui est attenante à la question de la résilience en fait. Sylvie, je vous en fait, bien sûr, parce que la question de la mémoire, elle est importante dans des territoires qui ont été dominés et qui ont gardé une mémoire, mais une mémoire qui ne pouvait pas se transmettre de manière aussi évidente que l'on peut transmettre en racontant l'histoire familiale. Donc il y a à la fois l'impossibilité de raconter par le langage ou par les moyens ordinaires de la transmission, et également donc le fait que la mémoire finalement s'inscrit, alors on le sait aujourd'hui, hein, que les traumas donc se transmettent, et non pas forcément par le récit familial, mais ils se transmettent par une forme donc d'inscription presque génétique dans les corps, enfin de manière très très très réelle et concrète, c'est pas une abstraction. Donc toutes les notions de psychosomatique par exemple, les maladies, on sait c'est la question de la blesse par exemple, donc aux Antilles on parle beaucoup de, en particulier en Martinique, enfin de la question de la blesse, par exemple, c'est des traumas qu'on ne peut pas articuler, mais qui sont bel et bien là. Et on s'aperçoit que les enfants, les descendants, ne savent pas de quoi il est question forcément, mais il y a quelque chose qui est un nœud. Et donc le corps est tétanisé par ce nœud. La création permet peut-être effectivement de libérer. Or, ça n'est pas un hasard si la plupart des pièces et des spectacles, en tout cas, traitent de ces questions. Alors on n'a pas eu beaucoup à se creuser la tête pour trouver les spectacles sur lesquels on avait envie de parler et de questionner. C'est simplement qu'il fallait, à un moment donné, on aurait pu pratiquement ramener pratiquement tous les spectacles et voir comment cet élément était présent, finalement se déclinait dans chacun des spectacles de manière très très différente, mais donc on a choisi des spectacles qui permettaient de traiter aussi de la question afrodescendante, des questions aussi par exemple la guerre d'Algérie, donc c'est une question aussi très très importante. On a travaillé aussi sur l'idée que c'était bien de ramener la danse, donc de pas seulement travailler sur les textes. On a guidé la dimension contemporaine, les créateurs contemporains. Donc on va vous dire les textes et les œuvres sur lesquelles on va travailler, mais peut-être Pénélope Alex, ou Axel pourrait le faire. Oui, non, pour compléter tout ce qui a été dit, simplement ajouter la dimension des lectures présentes et importantes qui, en quelque part, vont illustrer l'ensemble des débats et des réflexions menées et portées lors de cette journée. Et je crois que le titre des œuvres et les auteurs choisis ne sont pas anodins, puisqu'il s'agit de deux auteurs caribéens contemporains et de deux fictions, en fait, qui là aussi convoquent le corps dans des récits qui, a priori, ne le laissent pas supposer. Donc, il s'agit vraiment de voir comment, la question de la triangulation entre le personnage, le corps et la fiction convoque une mémoire et convoque presque une politique de la mémoire, en quelque part. C'est autour de cette articulation, vraiment, entre l'université, entre les concepts, entre la réflexion et la création, que s'articule notre travail et notre journée d'études. Je voudrais dire aussi, c'est très important, c'est que donc on travaille avec la Chapelle du Verbe Incarné depuis des années. Ça va être la 11e édition. Ça me paraît bizarre qu'on arrive déjà. Bon, c'est fou, 11e édition. Et surtout cette année, on s'associe à ETC Caraïbes. Et c'est grâce à ETC Caraïbes que l'on peut avoir donc les lectures, donc qui sont des lectures professionnelles avec des comédiens. Dominique Bernard va coordonner, diriger ces lectures avec Astrid Mercier et Danielly Francisque. Et c'est aussi donc la compagnie de José Excelis qui va nous soutenir également. Continent. Donc le sixième continent. Ouais, donc sixième continent dans le grand large. c'est important d'être dans justement cette association avec des artistes et aussi donc les textes contemporains à faire entendre. Et puis on maintient la parité, donc une fille et un garçon. Donc c'est important aussi de défendre les écritures féminines, parce que c'est très très compliqué pour les femmes auteurs dramatiques de se faire connaître. Donc c'est Grizzly de Gaëlle Octavia et Le Patron, qui est un texte publié dans un recueil dans lequel il y a une autre pièce qui est plus connue, de Alfred Alexandre, qui est La Nuit Caribéenne. Donc La Nuit Caribéenne et le Patron, c'est les éditions Passage qui publient ces textes. Là aussi, il y a un engagement très très fort de la part de cette édition, donc de Dominique Lany, qui a créé cette maison d'édition et qui fait entendre des textes contemporains, des théoriciens aussi, puisque j'en fais partie, qui travaillent sur ces textes contemporains. Donc c'est important, enfin, de parler de nos partenaires, des gens qui nous accompagnent. Je vais peut-être les dire, ou alors donc pour rappeler les textes sur lesquels on va travailler. Donc c'est Cri de mes racines, qui est un spectacle aussi à la Chapelle du Verbe Incarné avec Josiane Antourel et Ina Boulanger. On travaillera sur Moins fardeau inhérent, là un spectacle qui n'est pas à la Chapelle du Verbe Incarné, mais qui est Au Train Bleu, et qui est un texte de Guy Régis Junior, un haïtien, avec une mise en scène de Nelson Raphaël Madel et la comédienne Danielly Francisque. Et Le cœur fume encore, qui se trouve donc au Gilgamesh, avec Alice Carré et Margot Eskenazi, qui en ont fait la mise en scène, d'après des textes de Kateb Yassine, de Glissant, d'Assia Djebar, qui traite donc de l'Algérie. Tous mes rêves partent de Gare d'Austerlitz, c'est un texte là de Mohamed Kassimi, avec une mise en scène de Marjorie Nakache, et qui a lieu également à la Chapelle du Verbe Incarné. Et puis on aura Nina Lisa, qui est donc un spectacle aussi à la Chapelle du Verbe Incarné, autour de Nina Simone, avec Thomas Prédour et Isnel da Silveira. Enfin, Thomas Prédour est le metteur en scène, je crois. Isnel da Silveira et puis Dina sont les deux comédiennes. Il se trouve que Nina Simone est actuellement vraiment très présente dans la création contemporaine afrodescendante, avec un spectacle joué par Ludmila Dabo, par exemple, et David Lescaut qui a mis en scène. Mais on trouve également le spectacle de Gina Djemba, Miss Nina Simone, en Avignon, dans le Off, à 19h30, au Barretta Théâtre. Et on parlera donc aussi de ces spectacles, et pas seulement, bien sûr, de Nina Lisa. Il y a aussi le travail d'Aline César, qu'on évoquera l'après-midi, qui est là un travail historique sur le personnage d'Oronoko, qui est un véritable héros méconnu et donc de nègre marron qui a été donc sacrifié. Enfin, son histoire est assez terrifiante, au Suriname. Alors, il s'agit d'un spectacle qui est vraiment pour justement pédagogique pour la transmission auprès des enfants. Du coup, la dimension très cruelle n'est pas trop présente directement dans la pièce, mais par contre, on traitera, nous, l'après-midi du 21, de l'histoire d'Oronoko, du texte d'Afra Ben, et il y aura également une lecture des extraits d'Aline César et Yasmine Modestine, qui a joué le spectacle avec Adama Diop. Ce spectacle n'est pas en Avignon, mais il va reprendre sans doute à Paris. Pénélope, Axel, c'est indispensable de maintenir un rendez-vous comme ça d'échange, de découverte des cultures outre-mer en Avignon, dans un lieu comme celui-ci, la Mecque du théâtre. Oui, bien sûr, c'est absolument nécessaire. C'est à la fois, voilà, comme on l'évoquait au début de l'émission, défendre ces écritures, qu'elles soient scéniques ou textuelles. Puis c'est aussi ouvrir un espace de pensée, de parole, puisque la particularité aussi des universités d'été du CFEA, c'est de travailler avec les artistes. Hein. On est vraiment sur un format de rencontre, d'échange. Donc il y a un espace critique autour des spectacles que l'on va voir, et puis un espace table ronde où on prend le temps aussi de partager une réflexion avec les artistes et voilà, les différentes équipes artistiques des spectacles qui sont évoqués, en écho donc avec la programmation du off et du in. Et puis il y a des temps de lecture, donc voilà, on s'associe aussi à d'autres artistes, à des comédiens pour ces temps-là, et des temps d'échange aussi autour des ouvrages critiques et théoriques que l'on publie. Et c'est important aussi de laisser des traces de ces travaux-là, puisque c'est aussi grâce à ces travaux des critiques et des théoriciens qu'on peut conserver la mémoire des théâtres en général et des théâtres d'Afrique et d'outre-mer. Donc voilà, cette année on parlera par exemple donc de l'ouvrage de Sylvie Chalas qui est paru aux éditions Passage et qui s'appelle Corps marron, et puis de l'ouvrage de notre collègue Axel Arteron, donc qui est maître de conférence à l'université de Martinique des Antilles, et qui lui a publié chez Honoré Champion un ouvrage qui s'intitule Le théâtre révolutionnaire afro-caribéen au XXe siècle. Voilà, Axel, je ne sais pas si tu peux dire quelque chose. On est revenu sur la dimension de réflexion, d'échange. Je crois qu'il y a la dimension de valorisation qui est importante, valorisation des créations ultramarines, du théâtre contemporain caribéen, qui, je dois le dire, se met en place, s'effectue parfois dans des conditions un peu difficiles en Martinique et en Guadeloupe, dû particulièrement à l'étroitesse du territoire, à l'insularité et aux problèmes liés à la diffusion. Donc c'est vrai que la présence donc de ces créations en Avignon, au Thomas, pas qu'au Thomas, est fondamentale. Et c'est vrai que la possibilité d'avoir ce type d'événement permettant donc d'éclairer des enjeux liés donc à l'esthétique, à l'histoire de ces créations ou à la politique développée, à la politique et aux dimensions anthropologiques ou philosophiques développées par ces esthétiques est un enjeu crucial. Donc pour toutes ces dimensions, pour toutes ces raisons, je crois que c'est un bon moment, c'est un moment que l'on partage avec beaucoup d'enthousiasme et d'entrain. Je voudrais ajouter aussi qu'il y a une association cette année avec l'Université de Brasilia, parce qu'on a la présence donc du Brésil aussi dans nos rencontres, avec notamment Rosana, donc Rosana Correa, hein, qui vient de l'Université de Brasilia, et également Gloria, qui vient de l'Université de Brasilia, qui interviendront sur au Ronoco, et tout particulièrement, évidemment, sur le théâtre au Brésil et les questions de marronnage et de quilombisme, puisque là-bas, on ne parle pas de marronnage, on parle de quilombisme. Or, c'est important, quand on parlait des Amériques, c'est la Caraïbe, mais c'est aussi l'Amérique latine et le Brésil. Donc ça, cette année, on est très fiers d'avoir ce moment-là. Et puis, donc c'est important aussi de rappeler que, finalement, c'est une organisation, c'est une équipe. Donc là, on a Pénélope de Chauffour et puis Axel Arteron, qui d'ailleurs va faire une conférence, on ne l'a pas dit, mais va faire une conférence qui est liée à son livre, donc qui sera à 16h le 21. Mais il y a également derrière une équipe, il y a également Charlotte Laure, qui elle travaille particulièrement sur Katabiasine, sur des textes aussi de Césaire et qui interviendra. Et puis donc Rosana, qui est cette année en résidence en fait au laboratoire et de l'Université de Brasilia. Donc ça fait un pont très très très important et on est très fiers de ce moment. Et puis j'ai oublié tout à l'heure de dire, mais c'est toujours pareil, j'ai absolument oublié, mais c'est très très important, car je suis très fière que cette année on travaille avec des comédiens. Et donc Dominique Bernard va coordonner, mais il y a aussi Andy Thomas qui est un jeune comédien et qui est formidable et qui vraiment, donc on a quatre acteurs qui seront formidables pour ces lectures, avec donc une nouvelle dimension plus artistique cette oui, fois. Oui. Bah, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette université d'été qu'on pourra donc découvrir à partir de 9h30 à la Chapelle du Verbe Incarné ce dimanche. Hubert Petitfarre, vous êtes resté avec nous. Oui, j'ai entendu des choses très intéressantes. Et vous allez nous faire découvrir une parole, celle d'Edouard Glissant et de son discours antillais. D'accord. Identité culturelle. Je résume en forme de litanie les données de notre quête d'identité. La litanie convient ici bien mieux que le discours. La traite comme arrachement à la matrice. Entre parenthèses, la mer inaccessible. L'esclavage comme combat sans témoin. Le mot chuchoté dans les cases. La perte de la mémoire collective. Le vertige du temps. L'évidence de l'autre, la transparence de l'universel, le piège folklorique, le non-projet intellectuel, le piège de l'état civil, la hantise du nom, le piège linguistique, la dominance, la non-responsabilité technique, l'outil étrange, l'immédiateté, le retentissement direct des pressions. La suspension politique, la peur du rapport au monde, la consommation passive, l'import exacerbé, la néantisation, ni faire, ni créer, le système de change, la Martinique, terre de passage, la ruse du détour, la sagesse populaire, la survie par la subsistance, la vie à côté des limites, l'ouverture multilingue au bout de la diglossie. L'ouverture caraïbe, l'orée de l'espace-temps. Le passé reconnu, les manques dépassés. La nation qui lancine, la résolution autonome des conflits de classe. L'oral, l'écrit, le déblocage des inhibitions. Un peuple qui s'exprime, le pays qui s'assemble. Un peuple politique, le pays qui agit. Merci beaucoup. Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah, vous êtes bien nombreux aujourd'hui dans ce studio. N'est-ce pas ? Alors aujourd'hui, une archive du 13 juillet 2009. Absolument, il y a 10 ans, Édouard Glissant enregistrait ici, à la Chapelle du Verbe Incarné, une conférence intitulée « Crise coloniale, crise mondiale ». Et nous en passons chaque jour un extrait. Donc aujourd'hui, on va écouter un moment où le poète nous parle de la créolisation. Le monde dans lequel je vis n'est plus régi par des grands courants de volonté poussés par des civilisations conquérantes. C'est ça la nouveauté du monde. C'est pas vrai que les États-Unis... les États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde, mais sont aussi fragiles que l'Empire soviétique. Ça peut s'effondrer en une journée. De même que l'Empire soviétique s'est effondré en une journée. N'est-ce pas? Parce que les empires ne sont pas éternels. Et que... alors là, je viens de Brick et de Brock. Je viens à quelque chose qui m'est cher. La seule solution qu'il y avait pour la seule alternative au fascisme qui avait aux États-Unis, parce qu'il y avait une naissance du fascisme. N'oubliez pas que à la veille de la guerre, l'entrée en guerre des États-Unis en Seconde Guerre mondiale. 78% des Américains pensaient que Hitler, c'était pas si mal que ça. S'il n'y avait pas eu Roosevelt, probablement les États-Unis ne seraient pas entrés en guerre. Comment il s'appelle celui qui a traversé l'Atlantique ? Lindbergh. Lindbergh était un fasciste. C'est ça ? La seule alternative au fascisme, parce qu'il y a une forme, il y avait une forme de fascisme quotidien, domestique, paisible et d'autant plus terrifiant aux États-Unis, c'était la créolisation, c'était le métissage, c'était le produit inattendu, imprévu et nouveau. Et ce produit inattendu, imprévu et nouveau, c'était Obama. Il n'y a pas à sortir de là. N'est-ce pas? La seule possibilité pour cette énorme puissance de ne pas verser dans le fascisme, c'était d'aller du côté de la colonisation. Je dis ça depuis un an à mes amis noirs américains. Et il me disait le plus souvent « non, ils ne veulent pas ». Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient qu'Obama n'était pas assez noir. De même que les Blancs pensaient qu'Obama était trop noir. La réalité, c'est que la seule possibilité d'esquive de cet énorme corps collectif des États-Unis, c'était ça, la colonisation, qui n'était pas encore faite et acceptée. Nous disons tous les jours qu'entre Little Italy et Chinatown, il y a une rue, et que depuis deux siècles, cette rue n'a jamais été traversée par personne. N'est-ce pas ? Il n'y a personne qui est allé de l'autre côté. Et que par conséquent, c'était pas la colonisation. C'était la juxtaposition de communautés qui partageaient le même idéal, le drapeau américain, le président des États-Unis, la Constitution, les pères fondateurs, etc., etc. D'accord, partageaient tout ça, mais qui se mélangeaient pas. Nous, ma femme et moi, nous avons vécu à Fort Lee. À côté de New York, dans un quartier où nous étions les seuls à ne pas être coréens. Tout le quartier était coréen. n'est-ce pas, et à Fort Lee. Et c'était extrêmement paisible parce qu'il y avait une mafia coréenne qui faisait la loi. Alors, personne ne vous attaquait dans les rues. Personne ne voulait parce que la mafia faisait... Comme à Harlem, comment il s'appelle, Farrakhan, à un moment, a fait la loi et a dit, bon, je veux plus de etc. Mais c'était des juxtapositions. Et maintenant, les États-Unis sont entrés dans la connaissance de l'imprévisible d'une colonisation. Parce que qu'est-ce qui entre à la présidence des États-Unis? Quelqu'un qui est né aux États-Unis, mais qui a fait ses études, dont le père est kényan, dont la mère est... Blanche, qui a fait ses études en Asie, en Indonésie, en etc., qui a vécu en Afrique, qui a vécu aux États-Unis, qui a été la créolisation du monde. Non seulement la créolisation raciale, mais aussi la créolisation culturelle. Bon. Et je pense que ça, c'est un événement fondamental de l'histoire des humanités d'aujourd'hui. Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Toma. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr. Marie-Cécile nous a rejoint, bonjour. Bonjour Savannah. Alors pour votre dernier portrait et oui. du festival, vous êtes partie à la rencontre de... À la rencontre de Grégory Alexander, que j'ai rencontré il y a quelques temps, qui est auteur, chorégraphe et metteur en scène guyanais. Et il va nous parler de la place du théâtre en Guyane et également de son travail d'ingénierie culturelle. Je m'appelle Grégory Alexander, je suis comédien, metteur en scène... interprète chorégraphique occasionnellement. Je viens d'un théâtre du corps, un théâtre qui met en relation finalement tout le potentiel de l'acteur, y compris le chant, pour raconter quelque chose. Alors je fais un travail un peu souterrain en ingénierie culturelle en Guyane. C'est pour accompagner les porteurs de projets en fait, surtout. Un peu parfois les mairies, un peu... parce qu'en fait, il y a une difficulté sur les qualifications, sur le savoir-faire. Hein. Dans ce secteur, c'est une économie émergente. La drague s'est installée là-bas en Guyane, c'est la dernière des dragues de France, hein, il y a 25 ans. Donc on trouve très peu de gens formés ou de gens qui de métier. Et du coup, il y a pourtant un potentiel créatif important. Tout ça est à accompagner. Alors, le travail d'ingénierie est assez ingrat parce que c'est pas nécessairement rémunéré. C'est vraiment quelque chose de souterrain. C'est de l'engagement, en fait. Et c'est vrai que moi, je m'inscris un peu dedans. Je me dis qu'à un moment, ça va se contaminer quelque part. Ça va amener des choses intéressantes au bout d'un moment. Alors, pour moi, le Festival d'Avignon, c'est quelque chose d'ultra important pour, notamment pour les territoires ultramarins parce que, on retrouve comme ça des problématiques d'enclavement de la pensée, des problématiques d'enclavement communautaire. Et je crois que le spectacle vivant et que la grande mecque du théâtre que peut être Avignon, ben c'est intéressant pour nous parce que ça permet d'ouvrir la pensée à d'autres pensées, de désenclaver en fait un petit peu nos réflexes protectionniste. On est dans une économie où les biens circulent plus facilement que les corps. Il y a beaucoup de corps contraints, notamment pour des raisons économiques. Et c'est essentiel, justement, de tisser du lien entre les humains, en fait, entre les individus, pour que quelque chose se fasse. D'ailleurs, on voit beaucoup de projets mutualistes qui se mettent en place, je vois, pour le transport ou pour... Il y a beaucoup, de plus en plus de solutions alternatives qui se trouvaient pour moi. Le Festival d'Avignon, c'est quelque chose de cette nature-là. On trouve quelque chose de fort, en fait, qui pour moi est à l'endroit de l'humanité. Sinon, on s'écarte. Les systèmes qui organisent et qui gèrent les corps et les pensées ne sont que des systèmes. Et quand on est trop dans une logique de système, dans quelque chose de mécanique, finalement, on s'éloigne du sensible. Et quelque chose comme Avignon participe de ce lien et de renouer avec le sensible, avec ce qui fait notre essence d'humain, quoi, d'homme, pour désenclaver la pensée, pour... respirer en fait notre humanité. Donc voilà, et Grégory aujourd'hui travaille avec la scène conventionnée du théâtre de Macouria. Donc il a un projet entre 2020 et 2023 avec toujours cet objectif de créer du lien sur le territoire, de soutenir des projets émergents et également de toucher des publics éloignés de l'offre culturelle sur le territoire de la Guyane. Merci beaucoup Marie-Cécile pour tous ces beaux portraits que vous nous avez fait découvrir tout au long du festival. Mais je crois qu'on peut continuer à vous suivre toute l'année. Car... Tout à fait. J'ai donc un podcast qui s'appelle Esperluette, qui est donc basé sur le Vaucluse, puisque moi j'habite sur le Vaucluse toute l'année, et avec des interviews d'artistes pendant cette période festivalière, parce qu'évidemment ça occupe notre territoire, et de porteurs de projets associatifs, culturels, entrepreneuriaux, pendant toute l'année sur le Vaucluse, mais qui peuvent être écoutés partout en France. Et quelle est l'adresse ? Esperluette-podcast.fr. Merci beaucoup. La journaliste qui vient de nous rejoindre pour nous faire part de son coup de cœur est Mireille Davidovici, critique au théâtre du Blog. Et vous êtes allée à la Maison de la Poésie pour voir le doux parfum des temps à venir qui se joue à 18h45. Le doux parfum des jours à venir qui se passe à la Maison de la Poésie à Avignon. Et c'est un spectacle poétique qui a sa place dans cette Maison de la Poésie qui est un endroit... un peu secret, dans des petites ruelles. Voilà, c'est un spectacle ouvert et qui fait beaucoup de bien. Parmi les autres spectacles qu'on voit ici à Avignon, qui sont quand même assez durs, et assez... là, c'est un spectacle très poétique, qui met du baume au cœur, alors quand même qui évoque des choses très dures quand même, mais avec une certaine douceur et surtout beaucoup de poésie. Le texte est de Lionel Trouillot. C'est un texte qui est publié aux éditions Actes Sud. Et avec la métaphore du parfum, il parle aussi bien du parfum de la haine que du parfum de l'espoir. Donc, c'est une femme qui va mourir. Ça se passe toute la nuit jusqu'à l'aube. Elle mourra à l'aube. Et elle raconte à sa fille ce qu'il en est de la vérité, parce qu'elle a bercé sa fille de légendes pour lui rendre la vie belle et un avenir souriant, alors qu'elle, elle a enduré énormément de choses, mais elle lui a raconté des tas de choses, elle a enrobé ça, une vie formidable, avec des amants très riches, des princes d'Arabie. Elle lui a inventé une vie qui est totalement fausse. Donc, cette dernière nuit sera consacrée à dévoiler la vérité. Mais elle fait ça avec une grande douceur. Et ce qui est très beau dans le spectacle, c'est que ça se partage entre une comédienne et une chanteuse. Et elles sont absolument équivalentes. À un moment donné, la mère dit « j'ai accouché deux fois. Une fois, j'ai accouché de toi. Et la deuxième fois, en te racontant toutes ces histoires, j'ai accouché aussi de moi. Donc je suis comme double. » Et la metteuse en scène a eu l'idée, la belle idée, de dédoubler le personnage avec une chanteuse. Donc on a des chants en créole, parce que Lionel Trouillot est un grand auteur de Haïti. On a des chants comme ça, des Antilles, et aussi pas mal de musique. Et au niveau de la décoration, ils ont essayé de féminiser complètement cette décoration, en même temps avec des tissus, des voiles, mais aussi avec le personnage d'Erzouli, qui est un personnage du vaudou, qui est la femme. Et la femme à double tranchant, la bonne mère et la mauvaise femme, qui sont deux Erzouli, mais qui peuvent aussi être... Enfin, c'est un personnage binaire, en fait, ambivalent. Donc, il y a des sculptures, mais c'est très délicat, tout est très délicat. C'est une histoire de haine, de violence qui est enrobée de parfum. Et c'est très, très léger. Et en même temps, ça parle de tout ce qui s'est passé à Haïti, des révolutions ratées, aux tremblements de terre, aux ouragans, aux cyclones. Et cette façon de parler avec douceur des drames, ça change un peu de ce qu'on voit en ce moment sur les scènes d'Avignon. Donc il faut savoir que c'est quand même un théâtre de texte. Il ne faut pas s'attendre à une mise en scène très spectaculaire, mais la mise en scène accompagne très très bien ce texte en le séquençant, et on passe un moment sans se rendre compte du temps qui s'écoule. Donc ça, c'est quand même un critère majeur, et les spectateurs étaient très très contents. Ils découvraient sans doute pour beaucoup Lionel Trouillot. En tout cas, ils étaient heureusement surpris, et moi aussi. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite pour nous partager votre coup de cœur. Estelle, oui, aujourd'hui, voilà. Notre voyageur du jour est une voyageuse. Absolument. Alors, on a rencontré, bien sûr, un groupe de jeunes venus de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont venus passer du temps à la fois au Festival d'Avignon, à la Chapelle du Verbe Incarné, qui ont joué pour nous une pièce dimanche dernier à 10h. Et puis, les rencontrant, j'ai souhaité leur demander un peu comment ils ressentaient ce festival et de nous donner les impressions à la fois de leur île et de leur voyage. Alors, c'est le dernier petit épisode de ces visiteurs du jour. Et on écoute Léa. Les visiteurs du jour. Certains festivaliers viennent de plus loin que d'autres, apportant avec eux l'écho de leur archipel. C'est dans le palais des papes et c'était cool. On a vu le pont d'Avignon, c'est le pont Bénezé. Chaque jour, l'un de ces spectateurs des Grands Larges nous raconte son festival. Bonjour, moi je m'appelle Léa, je viens de Saint-Pierre-Miquelon. J'ai 18 ans et je viens de finir ma terminale littéraire aussi, j'ai eu mon bac. Et cette année, pour l'année scolaire qui va suivre, je vais aller à Rennes pour faire des études de droit. Donc, je n'ai pas vraiment... mon projet, ce serait de devenir avocate. Donc, on va voir ce qui va suivre. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est notre petit caillou. Et là où tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour dans la rue. Là où les arbres sont assez grands, aussi grands que nos genoux environ. Là où on peut marcher partout sans se perdre. Chez nous, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un peu nous qui animons un peu les festivités par rapport au théâtre et... parce que c'est nous qui jouons avec certains groupes, les adultes, les enfants et les ados, bien sûr. C'est vrai qu'on manque beaucoup d'activités. Le fait que le théâtre ne soit pas une activité professionnelle, c'est un point négatif, je dirais, mais on s'amuse et le fait de voir les gens nous applaudir à la fin, c'est tout ce qui compte. On va jouer Anna, femme de bourreau, sur les planches d'Avignon. Et ce que j'espère de cette aventure, c'est de rencontrer déjà des personnes, de visiter Avignon et de parcourir toutes les rues. Personnellement, c'est mon premier festival, pardon. Mais le fait de voir partout du monde, des foules, des sourires, des gens déguisés dans la rue en train de nous donner leur tract pour vendre leur spectacle, c'est vraiment exceptionnel. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et pour la sécurité des artistes, de ne faire ni vidéo ni photo avec ou sans flash. Merci et bon spectacle. Après cette représentation, j'attends les retours des gens parce que je me dis que j'espère que ça leur a plu. Et après ça, je pourrais dire je suis contente ou pas. Moi, c'est la vie qui compte pour moi. Je vous laisse avec les paroles de Greg Germain et Marie Scondé. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. On se retrouve demain en direct à 18h pour une émission spéciale débat autour du patrimoine à construire et à transmettre pour les spectacles d'outre-mer. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur nos radios partenaires, Radio Grenouille à Marseille, Aligre FM à Paris et également sur le magazine Antilla et sur notre blog Mediapart. Belle soirée à tous et bon festival. Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain. Marie Scondé est une auteure française née en Guadeloupe. Elle a étudié à Paris avant de vivre en Afrique. Elle en a tiré son inspiration et son best-seller, Ses goûts, paru chez Lafon en 1985, en témoigne. Ses romans lui ont valu de nombreux prix, notamment « Moi, Tituba sorcière »,« La vie scélérate », »,« Désirada »,« Célanique ou coupée », etc. Maryse Condé est prix Nobel de littérature 2019. Voici la lecture de quelques pages d'un roman de Maryse Condé qui s'appelle « La vie sans phare ». Pourquoi faut-il que toute tentative de se raconter aboutisse à un fatras de demi-vérité ? Pourquoi faut-il que les autobiographies ou les mémoires deviennent trop souvent des édifices de fantaisie, d'où l'expression de la simple vérité s'estompe puis disparaît ? Pourquoi l'être humain est-il tellement désireux de se peindre une existence aussi différente de celle qu'il a vécue ? Par exemple, je lis dans les brochures rédigées par mes attachés de presse, d'après mes propres informations à l'intention des journalistes et des libraires. En 1958, elle épouse Mamadou Condé, un comédien guinéen qu'elle avait vu jouer à l'Odéon dans Les Nègres, une pièce de Jean Genet, mise en scène par Roger Blin, et part avec lui pour la Guinée, le seul pays d'Afrique qui a répondu non au référendum sur la communauté du général de Gaulle. Ces phrases créent une image séduisante, celle d'un amour éclairé par le militantisme. Or, elles contiennent à elles seules de nombreuses falsifications. Je n'ai jamais vu Condé jouer dans Les Nègres. Lorsque j'étais avec lui à Paris, il ne se produisait que dans d'obscures salles de théâtre, où, ainsi qu'il le disait moqueusement, il faisait de la nègrerie. Il n'incarna le personnage d'Archibald à l'Odéon qu'en 1959. Alors que notre mariage était loin d'être une réussite, nous vivions la première de nos séparations. J'enseignais à Bingerville, en Côte d'Ivoire, où est née Sylvie Anne, notre première fille. D'une certaine manière, j'ai toujours éprouvé de la passion pour la vérité, ce qui, sur le plan privé comme public, m'a souvent desservi. Dans mon récit de souvenirs « Le cœur à rire et à pleurer », conte vrai de mon enfance, je raconte comment ma vocation d'écrivain, si l'on peut employer pareil terme, aurait pris naissance. J'aurais environ 10 ans, c'était, semble-t-il, un 28 avril, jour de l'anniversaire de ma mère que j'idolâtrais, mais dont le caractère singulier, complexe et fantasque ne manquait pas de me déconcerter. J'aurais donc élaboré une composition, mi-poème, mi-scénette, où je me serais efforcé de peindre les multiples facettes de sa personnalité, tantôt tendre et sereine comme brise de mer, tantôt moqueuse et grinçante. Ma mère m'aurait écouté sans mot dire, tandis que je paradais devant elle, vêtue d'une robe bleue. Puis elle aurait levé sur moi des yeux à ma stupeur remplie de larmes et aurait soufflé « C'est ainsi que tu me vois ?» J'aurais éprouvé à ce moment-là un sentiment de puissance que j'aurais cherché à revivre livre après livre. Cette anecdote, construite a posteriori, me semble parfaitement illustrer ces involontaires tentatives d'embellissement que je dénonce. Il est certain que j'ai souvent rêvé de choquer mes lecteurs en dégonflant certaines boursouflures. Plus d'une fois, j'ai regretté que des flèches contenues dans mes textes n'aient pas été perçues. Ainsi, dans mon dernier roman, « En attendant la montée des eaux » paru chez Lattès en 2010, j'écris « Un terroriste n'est-il pas tout simplement un exclu ? Exclu de sa terre, exclu de la richesse, exclu du bonheur, qui tente de manière désespérée et peut-être barbare de faire entendre sa voix. » J'espérais que dans notre époque si frileuse, une telle définition pourrait susciter diverses réactions. Or, seul Didier Jacob du Nouvel Observateur, lors d'une interview, me posait une question à ce sujet. Cependant, le désir de choquer ne saurait à lui seul résumer la vocation d'un écrivain. La passion de l'écriture a fondu sur moi presque à mon insu. Je ne la comparerai pas à un mal d'origine mystérieuse, puisqu'elle m'a procuré mes joies les plus hautes. Je la rapprocherai plutôt d'une urgence un peu effrayante dont je n'ai jamais su démêler les causes. N'oublions pas que je suis né dans un pays à l'époque sans musée, sans vraie salle de spectacle, où les seuls écrivains que nous fréquentions appartenaient à nos manuels scolaires et étaient originaires d'ailleurs. Je n'ai pas été un écrivain précoce griffonnant à 16 ans des textes géniaux. Mon premier roman est paru à mes 42 ans, quand d'autres commencent à ranger leurs papiers et leurs gommes, et a été fort mal accueilli, ce que j'ai accepté avec philosophie comme la préfiguration de ma future carrière littéraire. La principale raison qui explique que j'ai tant tardé à écrire c'est que j'étais si occupé à vivre douloureusement que je n'avais de loisir pour rien d'autre. En fait, je n'ai commencé à écrire que lorsque j'ai eu moins de problèmes et que j'ai pu troquer des drames de papier contre de vrais drames. Retrouvez la radio du Thomas sur le net, www.verbeincarné.fr.